بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنواصل قراءتنا ودراستنا في القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وبعد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى وأما العقل فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير تردد فإن التردد في الخبر إنما يتأتى حين يكون الخبر صادرا ممن يجوز عليه الجهل أو الكذب أو الغي بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب الثلاثة ممتنعة في حق الله عز وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به وهكذا نقول فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الله تعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه وأصدقهم خبرا وأنصحهم إرادة وأفصحهم بيانا فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه. Donc on va continuer inshallah. On est toujours sur l'étude de cette règle concernant les attributs, du fait que l'auteur, dans cette règle, nous enseigne que les attributs divins, parmi ces attributs, il y a des attributs qu'on appelle thubutiyya et des attributs qu'on appelle salbiyya. Thubutiyya et des attributs salbiyya. Donc il a cité deux sortes, deux catégories d'attributs. Les attributs qu'on a dit affirmés et des attributs négatifs, de négation. Et donc ensuite, il nous dit, comme on l'a appris dans la dernière assise, que ces attributs, qu'ils soient affirmés, qu'ils soient des attributs d'affirmation ou des attributs de négation, as-sifat thubutiyya ou as-sifat salbiyya, ils sont prouvés par les arguments textuels, c'est-à-dire que cela est indiqué dans le Coran et la tradition du prophète, sallam, comme aussi par les arguments rationnels, comme la raison aussi atteste de cela. Donc on s'était quitté dans la dernière assise avec la mention de la preuve textuelle. Donc il a cité le verset 136 de la sourate An-Nisa concernant la preuve sur cela. C'est-à-dire sur les sifat thubutiyya. Premièrement, sur les attributs de confirmation ou d'affirmation. Donc il dit fathubutiyya ma athbata Allah ta'ala li nafsihi fi kitabih wa ala lisani rasulihi wa kulluha sifatuha aw sifatu kamal la naqsa fiha bi wajhin min al-wujuh. Comment on l'a appris cela? Donc après qu'il ait cité justement les preuves ou la preuve textuelle dans le Coran concernant les attributs affirmés, il va citer concernant maintenant al-aql. Et on s'est arrêté sur cela concernant l'argument rationnel lié à la raison. Il dit la raison confirme le fait que Allah ta'ala akhbara biha an nafsihi. Alors l'argument rationnel que toute raison saine pour concevoir le fait que si Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui nous a informé à son sujet, alors huwa a'lamu biha min ghayri. Allah est plus connaisseur de lui-même qu'autre que lui. Alors huwa asdaqu qila. Il est le plus véridique. Huwa ahsanu hadithan min ghayrihi. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala nous informe à son sujet et a affirmé pour lui-même des attributs, alors lui est plus connaisseur au sujet de lui-même qu'autre que lui. Et donc ça, même la raison atteste de cela. Pour ça, il cite cela comme argument rationnel. Du fait qu'il dit ensuite, donc il est une obligation, وَجَبَ إِثْبَتُهَا لَهُ كَمَا أَخْبَرَ بِهَا مِنْ غَيْرِ تَرَدُّدٍ. Donc il dit pour cela, il est une obligation de les affirmer. C'est pour ça qu'on appelle ça des attributs d'affirmation, des attributs affirmés, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés pour lui-même. Donc l'auteur dit, on doit les affirmer donc sans hésitation. Ces attributs-là divins, nous devons les affirmer sans hésitation. فَإِنَّ التَّرَدُّدَ فِي الْخَبَرِ إِنَّمَا يَتَأَتَّ حِينَ يَكُونَ الْخَبَرُ صَادِرًا مِنْ مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْجَهْلُ وَالْكَذِبُ إِلَى آخِرِ. Pourquoi ? Parce qu'il dit, le fait d'hésiter face à une information, cette hésitation-là peut venir et peut provenir lorsque une personne nous informe de quelque chose, mais cette personne, par exemple, est assujettie au mensonge. Elle peut mentir. Cette personne peut être ignorante ou autre. La yufsihu bima yurid, ou une personne qui n'arrive pas à exprimer clairement ce qu'il veut, par exemple. Donc le fait, face à une information, qu'on soit hésitant, ça, c'est possible lorsque, par exemple, une personne nous informe. Et cette personne, par exemple, elle pourrait mentir, ou cette personne est ignorante, ou cette personne, par exemple, ne sait pas exprimer ce qu'elle voudrait exprimer. Donc là, à ce moment-là, on peut faire preuve d'hésitation. Mais, elle dit, وَكُلُّ هَذِهِ الْعُيُوبِ الثَّلَاثَةِ مُمْتَنِعَةٌ فِي حَقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Tandis que ces défauts-là, ces déficiences-là qu'il a citées, comme Al-Jahlu wal-Kadhib wal-Ghay, cela, ce qu'il a cité, ces trois manquements-là au sujet du Créateur, c'est impossible. C'est Mumtania. Au sujet du Créateur, cela ne lui est pas attribué. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de ce fait, wajaba qabulu khabari. On doit accepter son information sans hésitation. C'est pour cela que ici l'auteur prouve que si Allah s'est affirmé pour lui-même donc des attributs, on ne peut que les affirmer comme Allah subhanahu wa ta'ala les a affirmés. En d'autres termes, ce que je vous ai traduit, c'est traduit de cette manière, maintenant on va mieux comprendre. Quant aux preuves rationnelles, donc là je vous relis ce qu'on a expliqué précédemment. Maintenant on va mieux le comprendre puisqu'on l'a expliqué. Maintenant vous allez mieux comprendre la traduction. Il est dit, quant aux preuves rationnelles, on sait qu'Allah a parlé de lui-même, de ses attributs. Et c'est plus à ce sujet que quiconque. Sa parole est la plus sûre. Son verbe est le meilleur. Il convient dès lors de lui affirmer sans aucune hésitation, tel qu'il en a parlé dans les informations qui nous sont parvenues de sa part. Car l'hésitation vis-à-vis d'une information n'a lieu d'être que si elle émane d'une personne ignorante qui ment ou qui balbutie, c'est-à-dire du fait qu'il ne peut exprimer clairement son propos. Or, ces trois défauts ne peuvent être imputés à Allah Azza wa Jal. Alors il dit, il est donc nécessaire d'accepter son information sur toutes les questions. Et donc là, vous comprenez mieux, ça c'est un argument rationnel. C'est lié à la raison que l'auteur ici donne, du fait que même notre raison conçoit cette chose-là. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a informé et affirmé pour lui-même des attributs, on ne peut que les affirmer, puisque c'est lui-même qui connaît son être mieux que quiconque, subhanahu wa ta'ala. Et il dit, de la même manière, nous disons, ensuite il dit, de la même manière, nous disons cela concernant les informations provenant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, provenant du prophète, concernant Allah. Pourquoi ? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est le plus connaisseur parmi les hommes au sujet du Créateur, au sujet d'Allah. Wa asdaqhum khabara. Et le prophète est le plus véridique en information. Wa afsahhum aw ansahhum iradatan. Et wa afsahhum bayanan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc est aussi le plus clair dans son dans ses intentions et le plus clair dans sa clarification. Et donc de ce fait, même ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé et enseigné au sujet du Créateur, on ne peut que l'accepter. Faqala fa wajaba qabulu ma akhbara bi ala ma huwa alayh. Dans le commentaire, c'est pour ça que Cheikh, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit hada dalilun aqli. Il dit ça, ce qu'on vient d'énumérer, c'est quoi ? C'est une preuve aqli, rationnelle. Il dit fa nahnu la na'lam al-ghayb. Il dit ça, c'est un argument rationnel du fait que nous, on ne connaît pas le ghaib. On ne connaît pas la science de l'inconnu et ce qui nous est invisible. Nous, on ne connaît pas cela. Est-ce que nous, nous connaissons de la science de l'inconnu et de l'invisible, ce qu'on appelle en arabe « ilmu al-ghaib » c'est la science que seul Allah subhanahu wa ta'ala en a la connaissance. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prétendait pas connaître et avoir les clés de la science de Al-Ghayb. Qul inni la aqulu lakum inni malak wa la a'lamu al-ghayb wa la aqulu lakum. Et il est dit dans le verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, Allah lui disait de dire qul. قل إني لا أقول لكم إني ملك. قل, Allah dit au prophète, dis-leur, je ne vous dis pas que je suis un ange, un malek, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ولا أعلم الغيب. Ou plutôt, قل إني لا أقول لكم عندي خزائن الله. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ. Comme cela le verset où Allah dit au prophète, dis-leur, dis, je ne prétends pas que détenir les trésors d'Allah azawajal, traduction relative, ni détenir la science de l'inconnu, عِلْمُ الْغَيْبُ, et ni être un ange. Donc vous avez vu, Allah azawajal dit au prophète de dire que lui-même ne connaît pas la science de l'invisible. Pour ça, dans un adversaire, Allah dit قُلْ لَا يَعْلَمْ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. Dans un adversaire, Allah dit, dis, personne parmi les habitants des cieux et les habitants de la terre ne connaît الغيب, c'est-à-dire la science de l'inconnu, de l'invisible, si ce n'est Allah. Donc les clés de la science et du savoir de l'inconnu, la connaissance de l'inconnu, personne ne les détient. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Et Allah dans un autre verset dit وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. Allah dit, et à lui appartient les clés, مفاتيح الغيب, les clés de l'inconnu, de la science, de l'invisible. لا يعلمها, personne ne les connaît si ce n'est lui. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Et Allah dit, et il sait ce qu'il y a sur terre et en mer. Rien ne lui échappe. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا. Et il n'y a pas une feuille qui tombe, إِلَّا, sans qu'Allah le sache. Subhanahu wa ta'ala. Donc il dit, وهذا دليل عقلي فنحن لا نعلم الغيب ولا نعرف عن الغيب إلا ما أخبرنا الله به وقد أخبرنا عن نفسه بأنه يتصف بكذا وكذا فوجب قبوله لأننا لا نستطيع أن نقول إنه صادر عن جهل ولا نستطيع أن نقول إنه كذب ولا نستطيع أن نقول إنه عيي ليس فصيحا كل هذا لا نستطيع فإذا يجب أن نؤمن بمقتضاه لأنه صادر عن علم بلا شك وصادر عن صادق بلا شك بل أصدق الصادقين وبلغة وبيان فصيح لا يمتري في ذلك عاقل فوجب اعتقاد مدلوله سواء علمنا أن ذلك مما يقره العقل أو لا يقره مع أن العلماء رحمهم الله يقولون الشرع لا يأتي بما تحيله العقول لكن يأتي بما تحار فيه العقول يعني تعجز عن إدراك حكمته ولهذا أعطى الله سبحانه وتعالى من شاء من خلقه العقل التام والفهم الثاقب حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية قال في كتاب دار التعارض العقل والنقل المسمى بالعقل والنقل قال إنه لا يأتي أحد بحجة شرعية يحتج بها على باطل إلا كانت هذه الحجة حجة عليه وهذا كلام عجيب أي إنسان يحتج على أحد بحجة شرعية من الكتاب والسنة لكن على باطل فإن هذا سيكون حجة عليه لأن الله عز وجل يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإذا قال معطل ليس كمثله شيء إذن لا صفات له إذن لا صفات له نقول له هل تقره بالآية فيقول نعم فهو كلام الله نقول هذه حجة عليك لأن نفي المثلية يدل على ثبوت أصل الصفة فنفي المثل لا شك أنه يدل على ثبوت أصل لا يمكن التماثل فيه بين الأدم والخالق عز وجل وهذا الذي قاله شيخ الإسلام صحيح لكنه يحتاج إلى فهم ثاقب وإيمان صريح وكلما قوي إيمان العبد قوي فهمه لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا كلام عجيب كلام نفيس comment allons-nous traduire cela sans الله أن يعيننا Donc on vient de dire précédemment, donc celui qui détient les clés de la science de l'invisible, c'est le créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc nous en fait, on ne sait pas, on ne connaît pas. Donc si ce n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui nous informe, ce n'est pas notre créateur qui nous informe au sujet de certaines choses liées à l'invisible, ce qui est invisible et inconnu, pour nous, on aurait pu les connaître. Donc ça, même la raison humaine, la raison saine, conçoit cette chose-là qu'on vient de dire. Donc sur ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Et justement, je vous ai cité un verset précédemment où Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَعَنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوْ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا » ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. C'est ce verset que je vous ai cité tout à l'heure. Et dans ce verset, une traduction relative, Allah dit, dans une traduction approximative du sens, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. Et lui est le détenteur des clés du raïb. Vous avez compris le sens, le raïb, c'est tout ce qui nous est à nous inconnu, le savoir, la science de l'invisible. La ya'lamuha illahu. Personne en a la connaissance si ce n'est lui. Et il a la connaissance de ce qu'il y a fil barr en terre et dans les mers. Et il n'y a pas une feuille sur terre qui tombe sans qu'Allah Azzawajal en ait la connaissance. Imaginez-vous, il n'y a pas une feuille d'un arbre qui tombe sur terre sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala en a la connaissance. Wala habba, et ni un grain dans les obscurités de la terre, et ni quelque chose de ratbin, wala yabis, et ni quelque chose de ratb et yabis solide, de sec, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala a consigné cela dans un livre bien explicite, ou dans un livre kitabin mubin. Donc vous comprenez, à partir de là, le seul moyen d'avoir connaissance d'une part de l'invisible, puisque même le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en avait pas la connaissance. Quel est le seul moyen pour avoir une part de cette connaissance? Que le créateur, le détenteur des clés de l'invisible, nous enseigne et nous informe au sujet de certaines choses faisant partie de l'inconnu. Wadih al-Kalam, vous comprenez? Maintenant, écoutez bien ce qu'il va dire, Shir, dans l'explication. Il dit pour cela, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe au sujet d'une chose, on ne peut que, en tant que croyant, y croire, parce qu'elle provient de celui que il n'y a que la vérité qui provient de lui. Le connaisseur, celui qui détient la science infinie et éternelle, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le croyant ou la croyante, est-ce qu'ils peuvent avoir une hésitation en ce qui concerne les informations? Par exemple, toutes les informations qu'on a dans le Coran, que ce soit dans le domaine des histoires des prophètes et des messagers, toutes ces informations. Et dans le domaine, par exemple, parmi les choses, parmi les informations qu'on a qui font partie du savoir et de la science dont Allah Azza wa Jal en est le détenteur, les informations à son sujet. Et donc Allah nous informe à son sujet et nous informe de ses attributs. De ses attributs. Le croyant ne peut que donc les affirmer. C'est ça des attributs d'affirmation. Jusque-là, wadih al-kalam, le kalam est clair. Maintenant, est-ce qu'ensuite, Cheikh dit, dans l'explication, là on est dans l'explication de l'argument rationnel, puisqu'on est dans le rationnel. Il dit, c'est pour cela que le savant de l'islam, Cheikh al-Islam, avait une très belle parole. Il dit dans un de ses livres qui est célèbre, Dar al-Taharud wal-Aql, Dar al-Taharud wal-Aql wal-Naql, qui est connu et appelé le livre Al-Aql wal-Naql. Qala, il dit, Innahu la yati ahadun, il dit, écoutez bien la parole, apprenez-la, notez-la, comprenez-la, il n'y a pas une personne qui vient avec un argument religieux en argumentant par cet argument-là pour prouver le faux, pour prouver le faux, sans que cet argument sera contre lui. Regardez, je vous le répète et vous allez mieux comprendre ensuite. Il n'y a pas une personne qui vient en argumentant avec un argument religieux. C'est-à-dire, il utilise un argument religieux et argumente, mais pour défendre ce qui est faux, sans que cet argument, en fait, sera contre lui. De sorte, il dit, Cheikh, l'auteur, dit ensuite, cette parole est grande, de sorte que il n'y a pas une personne qui va argumenter avec un argument religieux, c'est-à-dire argumenter et mettre en avant des versets, par exemple, du noble Coran, ou bien des hadiths de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va argumenter et citer, par exemple, des versets du noble Coran, en disant ça, c'est kalam Allah, c'est la parole d'Allah, ou bien des hadiths du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais en fait, il argumente pour mettre en avant ce qu'on appelle al-batil, sans qu'en fait ces arguments qu'il a utilisés seront contre lui. Seront contre lui. Donc, utiliser des arguments, c'est une chose. Mais que la déduction de ces arguments soit authentique, c'est autre chose. Lorsqu'on utilise et on mentionne des versets du noble Coran ou des hadiths du prophète, ça semble, il faut que ça soit pour argumenter et prouver le vrai. Mais pas pour défendre al-batil. Pourquoi ? Sinon, ça sera un argument contre lui. Par exemple, celui par exemple qui nierait les attributs du Créateur. Et pour nier les attributs du Créateur, il te dit on ne peut pas affirmer les attributs. Tu lui dis mais quelle est ta preuve ? Sur quoi tu te bases pour dire cela religieusement ? Il te dit laïsa kamithlihi shay. Laïsa kamithlihi shay. Donc, est-ce qu'il a cité un verset ou pas ? Laïsa kamithlihi shay, c'est un verset. Donc il cite un verset. Pour dire quoi ? Pour dire qu'on ne peut pas affirmer les attributs. Tu lui dis donne-moi une preuve, il t'expose et argumente avec un verset du Coran. Laïsa kamithlihi shay. Il te dit ça veut dire quoi ? Rien n'est comparable à lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'attribut. Pourquoi ? Parce que les êtres humains ont des attributs. Et lui, rien ne lui est comparable. Il peut te dire il n'a pas l'attribut. La sifat, là-haut. Tu dis, mat dalil, laïsa kamithlihi shay. L'argument, il est religieux ou pas ? L'argument, il est tiré du Coran. Sauf du fait qu'il défend quelque chose en réalité qui est faux. On ne peut pas argumenter avec ce verset pour dire qu'Allah Azza wa Jalla n'a pas d'attribut, au contraire. Alors, qala, hal nuqirru bil aya. Sayaqulu na'am fa hada kalamullah. Alors si vous lui dites mais ça c'est la parole du Créateur, il te dit oui, ça c'est kalamullah, laysa kamithlihi shay. Et dit nous disons cet argument, ce verset sera contre lui. Cet argument, le verset sera sayakunu hujjatun alayh. Hujjatun alayh li anna nafya al-mithliyati yadullu ala thubuti asl as-sifah. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans le verset, lorsqu'Allah Azza wa Jal nie toute ressemblance à lui et tout semblable à lui, laysa kamithlihi shay, Allah nie tout semblable à lui, le Créateur. Allah nous dit dans le verset, rien n'est semblable à lui. À la base, lorsqu'Allah dit que rien n'est semblable à lui, ça prouve, justement, ça confirme des attributs. Rien n'est semblable à lui. C'est-à-dire que ses attributs à lui lui sont propres. Subhanahu wa ta'ala. Donc à l'inverse, ça confirme qu'il a des attributs. Subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il dit لِأَنَا نَفْيَ الْمِثْلِ يَتِيَدُلُ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِ الصِّفَةِ فَنَفْيُ الْمِثْلِ لَا شَكْ أَنَّهُ يَدُلُ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِ لَا يُمْكِنَ التَّمَثُلُ فِيهِ بَيْنَ الْأَدَمِ وَالْخَالِقِ. Puisqu'on comprend que dans ce verset, il y a la confirmation de l'origine de cette question qui est les attributs. Pourquoi ? Puisque Allah Azza wa Jal nie qu'il y ait des semblables à lui et qu'il y ait une ressemblance, une similitude entre lui et les créatures. Entre lui et les créatures. Vous avez compris l'argument que utilise Cher, c'est-à-dire que si on utilise un argument religieux, mais en prétextant du faux, l'argument se retournera contre celui qui l'a utilisé. C'est pour ça lorsque, et ça c'est une éducation et un rappel qui nous est donné, lorsqu'on utilise un texte, il faut l'utiliser dans le vrai. Il faut l'utiliser dans le vrai. Sinon, celui-ci ensuite, ça sera un argument contre la personne. Taïb. Qala wa hada alladhi qalahu shaykh al-islam sahihun. Il dit, regardez la notation qu'il va faire, Cheikh, l'auteur. Il dit, en fait, la parole du Cheikh de l'Islam, c'est une parole vraie. Sauf qu'il dit, elle demande une foi claire, une perspicacité en quelque sorte, pour comprendre cela, pour comprendre cela. Wa kullama qawiya imanu al-'abd qawiya fahmu likitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi il dit il lui faut aussi une foi claire? Parce que il dit plus la foi du serviteur augmente, plus il a la compréhension du noble Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus il a la compréhension de la religion, plus la foi augmente et claire, plus il aura la compréhension de la religion. Taïb. On continue ensuite, regardez ce qu'il dit. Là, on a fini en ce qui concerne première catégorie d'attributs qu'il a cité, les attributs affirmés, les attributs d'affirmation. Alhamdoulilah. Donc, il a cité arguments textuels, scripturaires et arguments rationnels qui prouvent les attributs affirmés. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste comme attribut qu'il a cité? Arsène. Maintenant, il nous reste les attributs, ce qu'on appelle sifat al-salbiya. Il nous reste sifat al-salbiya. طيب الصفات السلبية يقول en ce qui concerne maintenant la deuxième sorte d'attributs qu'il a cité, les attributs de négation. ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه في كتابه وعلى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم كل الصفات نقص في حقه. Il dit, c'est tous les attributs qu'Allah Jalla wa Ala a nié pour lui-même. Donc, en fait, tout simplement, Allah, il y a des attributs qu'il a affirmés pour lui-même, nous devons les affirmer sans hésitation, et des attributs qu'il a niés pour lui-même, que nous nions. Des attributs qu'il a niés pour lui-même dans son livre et à travers la langue de son envoyé, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces attributs-là sont des attributs d'imperfection. Tous ces attributs-là sont des attributs d'imperfection. A l'inverse, ces attributs affirmés, on avait dit Kulua Sifatu Kamel. Ce sont tous des attributs de perfection. A titre exemple, il dit Kal Mauti wa Naumi wa Al-Jahri wa Nisyani wa Al-Ajzi wa Ta'ab. Wa Ta'ab. Il dit, à titre d'exemple, l'attribut de Al-Maut, le fait de mourir. L'attribut de Al-Naum, le fait de dormir. Wa Al-Jahl, l'ignorance. Wa Al-Nisyan, l'oubli. Wal-ajz, l'incapacité. Wal-ta'ab, la fatigue. Ces attributs-là, par exemple, c'est des attributs niés. Allah Jalla wa'ala a nié ces attributs pour lui-même. Donc, nous devons les nier. C'est pour ça que ce sont des attributs de négation, négatifs. Kal-mauti wal-naumi wal-jahri wal-nisyani wal-ajzi wal-ta'ab. Fayajibu nafyuha عن الله تعالى لما سبق مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل. Et donc, il dit, nous, ce qui nous incombe, c'est de les nier, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a niés en affirmant quelque chose, en affirmant le contraire, mais de la manière la plus parfaite. En affirmant le contraire, mais de la manière la plus parfaite. Regardez. Il dit, les attributs négatifs sont ceux qu'Allah nie qu'ils soient ses attributs, que ce soit dans le Coran ou par la bouche de son messager. Il s'agit d'attributs d'imperfection rapportés. C'est le cas de la mort, du sommeil, de l'ignorance, de l'oubli, de l'impuissance, de la fatigue. Il convient de les nier lorsqu'il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, glorifié soit-il, pour les raisons mentionnées précédentes, tout en affirmant, regardez bien, leur contraire de la manière la plus parfaite. Car le fait qu'Allah ait nié que certaines qualités soient siennes démontre leur impossibilité et établit la perfection de ce qui leur est opposé. La négation n'est pas un but en soi, car elle n'est pas une perfection à moins qu'elle comporte ce qui indique la perfection. C'est-à-dire qu'on nie l'attribut d'imperfection en affirmant son contraire. En affirmant son contraire. Pourquoi ? Parce que regardez ce qu'il dit d'une très belle manière. Parce qu'il dit la négation n'est pas un but en soi, car elle n'est pas une perfection à moins qu'elle comporte ce qui indique la perfection. En effet, il va dire la négation équivaut au néant. La négation, en fait. Lorsqu'on nie une chose, ça équivaut à ce qu'on appelle à la adam, au néant. On nie quelque chose, que celle-ci soit existante. Donc on nie. Ça équivaut au néant. Lequel néant n'est rien en soi. N'est rien en soi. Et ne peut à plus forte raison représenter quelque perfection que ce soit. De même, on peut exprimer la négation, car le lieu de la manifestation de son objet n'est pas réceptif. Et on ne peut, par conséquent, parler de perfection. C'est comme si on disait « le mur ne commet pas d'injustice ». C'est comme si on disait « le mur ne commet pas d'injustice ». On peut aussi signifier la négation quand on est dans l'incapacité de s'acquitter de l'objet nié. Et c'est alors une imperfection. Il dit « c'est alors une imperfection ». Regardez, je vous ai directement lu la traduction, mais en arabe il dit ولذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه لأن النفي ليس بكمال النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل على الكمال وذلك لأن النفي عدم والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. C'est très pertinent. C'est très pertinent ce qu'il dit. Regardez, لأن النفي ليس بكمال. النفي ليس بكمال. Parce que la simple négation, ce n'est pas la perfection. Illa an yatadamman ma yadullu ala al-kamal. Sauf si cette négation sous-entend, induit ce qui indique la perfection. Je vous traduis maintenant littéralement, malgré que je vous ai lu la traduction précédemment. Wa dhalika li anna an-nafy adamun. Pourquoi ? Parce que la négation, en fait, c'est néant. Et donc le néant ne représente rien. À plus forte raison, a fortiori, s'il ne représente rien, qui représente la perfection. S'il ne représente rien, à plus forte raison, il ne représente pas la perfection. لأن النفي قد يكون لعدم القابلية المحل له فلا يكون كمالا كما لو قلت الجدار لا يظلم وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصا كما في قول الشاعر قبيلات لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل وقول آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليس من الشر في شيء وإن هنا. Et donc pour prouver cela, il a cité des vers de poèmes. Une traduction relative, cela veut dire, comme il dit dans un vers, il dit dans ce vers, il est dit, une tribu qui ne viole point le pacte et n'est pas injuste envers les gens, fût-ce d'un grain de moutarde. Et un autre vers dit, cependant mon peuple, même s'ils sont des gens de vertu, ne fait point de mal, si minime soit-il. si minime soit-il. C'est-à-dire, dans ce vers, il est dit, cependant, mon peuple, même s'ils sont des gens de vertu, ne fait point de mal, si minime soit-il. Ça, c'est la traduction du shir lorsqu'il est dit, لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وإن هنا. وإن هنا. Par exemple, ce qui prouve la négation de ces attributs, c'est qu'il y en a dans un verset, il nous dit « وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ أَلَّذِي لَا يَمُوتْ مِثَلُ ذَلِكَ » Des exemples, par exemple, dans le verset où il y a des attributs niés, de négation, ou négatifs, si vous voulez. Dans un verset, on a dit une traduction relative, « fais entière confiance en le vivant, celui qui ne meurt pas. » توكل على الحي الذي لا يموت. Fais confiance au vivant, celui qui ne meurt pas. Donc Allah, vous avez vu ici, a nié la mort pour lui-même. La mort, donc, c'est un attribut affirmé ou nié? Nié. Donc, vous avez vu, c'est... Et là, on a une faïda. On va se dire, mais comme on avait dit dans la dernière assise, est-ce qu'avant on a des textes qui disent, il y a une preuve, un hadith du prophète qui dit qu'il y a des attributs affirmés, des attributs niés? Non, on n'a pas. Par contre, c'est quoi? C'est une déduction. On voit bien que la déduction elle est pertinente. Si on regarde dans le Coran, il y a des attributs qu'Allah s'est affirmé pour lui-même. Et on voit, par exemple ici, Allah a nié la mort pour lui-même. Le fait qu'Allah nie la mort pour lui-même, c'est qu'il y a, une négation d'attributs. C'est-à-dire que le croyant doit nier la mort pour lui-même. Donc on voit que c'est tiré du Coran. C'est prouvé et c'est indiqué dans le verset. Regardez. Mithal Udalik. Lorsque l'auteur dit exemple, et va citer ces versets dans l'explication, c'est-à-dire exemple d'attribut de négation, négatif. Allah dit, et aie toute ta confiance, ton entière confiance envers le vivant, celui qui ne meurt pas. Donc Allah a nié la mort pour lui-même, yatandam manu kamal hayati. Cette négation de la mort, elle sous-entend quoi? La parfaite vie. Elle sous-entend la parfaite vie. Donc, lorsqu'on nie l'attribut de négation qui est la mort, on confirme d'iddo. Exactement. Al-Hayyul Qayyum. Et donc, on confirme l'attribut de perfection qui est, comme il dit ici, Kamalu Hayatihi. Kamalu Hayati. C'est ça qu'il expliquait au départ. La négation, c'est quoi? C'est nier l'attribut de négation, mais aussi, il faut affirmer d'iddo. Exactement. Donc il faut confirmer, on nie aussi bien la mort, cet attribut, mais on confirme son opposé. On a un autre verset où Allah Azza wa Jal dit وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Et ton Seigneur n'est injuste envers personne. Est injuste envers personne. Donc on nie l'injustice à propos d'Allah, mais quel est son inverse, l'opposé? La justice. Donc on confirme la parfaite justice. Cela confirme son opposé. La parfaite justice, regardez, va dire le fait de nier l'injustice à propos d'Allah implique la perfection de sa justice. C'est ça le fait, il dit, de nier. De nier, ensuite, c'est d'affirmer son opposé. Mais ce qu'Allah s'est nié pour lui-même, il faut le nier. Allah a nié pour lui-même la mort. Allah a nié pour lui-même, par exemple, l'injustice, qu'il ne fait pas d'injustice. Allah, par exemple, a nié. كان عالي أو كان عليما قديرا. Là, ils ont pas cité, voilà, le début du verset. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. La traduction relative, Allah dit, il n'y a rien qui puisse le réduire à l'impuissance. C'est pour ça qu'on a dit l'impuissance, l'incapacité, on ne peut l'affirmer, on ne peut pas l'affirmer pour Allah. Azzawajal. Shir dit, le fait de nier la puissance à Allah signifie implicitement, implicitement, la perfection de sa science et de son pouvoir. Innahu kana aliman qadira. Puisqu'Allah ensuite dit qu'il est l'omniscient, traduction relative, l'omnipotent, comme il les traduit ici. C'est que l'impuissance a pour cause soit l'ignorance des causes permettant à faire exister, soit l'impuissance à donner l'existence. Attendu la perfection de la science et du pouvoir d'Allah, il n'y a rien qui puisse le réduire à l'impuissance dans les cieux et sur la terre. Regardez, c'est très pertinent. Allah subhanahu wa ta'ala dit que rien ne peut le réduire à l'impuissance. Quand Allah azza wa jalla a dit que rien ne peut le réduire à l'impuissance, parmi tous ceux qui sont dans les cieux sur la terre, traduction relative, que ce soit dans les cieux, pardon, rien ne peut le réduire à la puissance, que ce soit dans les cieux et sur la terre. Mais ensuite, Allah, il va citer, il va dire qu'il est « Aliman Qadiran », celui qui a la science infinie éternelle, l'omniscient, ou « Qadiran », celui qui est capable de toute chose. Regardez ce que l'auteur va nous expliquer. Il dit « L'impuissance ». Elle est due à quoi? Puisque là, Allah Azzawajal nie le fait. Elle ajz pour lui-même. Il dit que personne ne peut le réduire à l'impuissance. Pourquoi? L'impuissance, parmi les causes, c'est lié à l'ignorance des causes permettant de faire exister, soit l'impuissance à donner l'existence. C'est-à-dire, l'impuissance à donner l'existence. Et attendu la perfection de la science et du pouvoir d'Allah, il n'y a rien qui puisse le réduire à l'impuissance. C'est-à-dire que lorsqu'Allah a dit rien ne peut le réduire à l'impuissance, ensuite il a cité, il est Aliman, l'omniscient, et celui capable de toute chose. Et on voit que c'est, pourquoi? Parce que celui qui est impuissant, c'est qu'il n'est pas Aliman, il n'est pas Qadiran. Donc c'est très pertinent. Nous voyons ainsi que l'attribut négatif peut impliquer plusieurs sortes de perfection. Dans les attributs de négation, ça peut impliquer plusieurs sortes de négation. Par exemple, si Allah on nie pour lui la mort, ça implique quoi? La vie parfaite. Ça implique la vie parfaite. Si on nie pour Allah l'incapacité et l'impuissance, ça implique quoi? La perfection de la capacité de la puissance. Vous avez vu que ça nous mène, et d'où ensuite le croyant, lorsqu'il récite le noble Coran, il peut méditer ensuite sur ces versets et comprendre les attributs. Et comme cela, on a fini la deuxième règle, pardon, la troisième règle. Comme cela, aujourd'hui, on a avancé un peu, on a fini la troisième règle, puisqu'en arabe il dit pour terminer, وَمِثَالُ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ فَنَفْيُ الْمَوْتِ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ كَمَالُ حَيَاتِهِ وَمِثَالٌ آخَرُ وَقَوْلُهُ تَعَالَى لَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا نَفْيُ الظُّلْمِ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ كَمَالُ عَدْلِهِ وَمِثَالٌ ثَالِثٌ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ فَنَفْيُ الْعَجْزِ عَنْهُ يَتَضَمَّنُ كَمَالَ عِلْمِهِ وَقُدْرَتِهِ ولهذا قال بعده إنه كان عليما قديرا قال لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإيجاد وإما قصور القدرة عنه فلكمال علم الله تعالى وقدرته لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وبهذا المثال علمنا أن الصفات السلبية قد تتضمن أكثر من كمال قد تتضمن أكثر من كمال انتهى كلامه رحمه الله تعالى وانتهينا من القاعدة الثالثة في الصفات في صفات الله عز وجل. Et donc alhamdoulillah on a avancé et on a terminé la troisième règle dans la prochaine assise, la semaine prochaine inshallah, donc mardi si Allah nous le permet inshallah, on commencera la quatrième règle. Et c'est pour ça que par la grâce d'Allah on a réussi, on a tardé un peu malgré qu'on a commencé en retard aujourd'hui, mais on a terminé alhamdoulillah la règle, comme ça on avance. Là au moins on est à la 4, on va commencer si Allah nous le permet la quatrième règle concernant les attributs. Et vous verrez qu'après la mention des règles concernant les attributs, il va mentionner les règles concernant les textes liés aux attributs. Vous allez voir que c'est très pertinent. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ensuite, même dans les sifat thubutiyya, ensuite dans le livre, normalement, il cite la subdivision concernant sifat al-fi'liya ou al-zatiyya. Normalement, il cite ensuite, il va citer dans les attributs de confirmation qu'il y a des attributs d'essence et des attributs d'action. Mais il me semblait que c'était là. Ah oui, toi, c'est une ancienne... Non ? Ah oui, c'est dans la cinquième règle. Voilà, on aura sa subdivision dans la cinquième règle. Dans la cinquième règle, il va revenir au Sifat al-Thubutiyya. C'est pour ça qu'il faut bien l'assimiler. Il va revenir et reciter les attributs affirmés en disant que puisqu'on a étudié attributs affirmés, attributs niés, de négation. Dans les attributs affirmés, il va dire qu'il y a des attributs liés à l'essence, d'entité, et des attributs d'action. Et ça sera une règle indépendante qu'il va citer dans la cinquième règle. C'est Al-Qa'idatul Khamsa, Sifat al-Thubutiyya, Tanqasimu ila Qismain, Zatiyya wa Fi'liyya. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين